Mais je ne comprends pas, hein. On nous dit souvent que c'est la génération montante, mais je comprends plus, dis quand même, on ne doit pas dépasser les limites. Ah oui, c'est vraiment la génération montante. Tu sais, notre génération est perdue. Nous sommes au 20e siècle, mon vieux. Tu me dis souvent quand tu voyages pour mission de service. J'apprends que tu ne voyages jamais. Tu vas souvent rester dans la maison d'une femme. Tu m'avais dit que tu viendras dans le dernier cas. Tu m'avais dit que tu viendras dans le dernier cas. Je t'ai bien fouillé dans la foule, je n'ai pas vu. Zozo, zo, zoco. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents s'ils apprenaient la nouvelle? Qu'est-ce que je vais dire à mes parents s'ils apprenaient la nouvelle? Dans le dernier cas, je n'étais pas du port. J'ai cherché, j'ai chanté ta chanson préférée pour que tu me reconnaisses et par la voix. Mais tout ça, c'était zéro. Dans le dernier cas, je ne t'ai pas vu fort. J'essayais de chanter ta chanson préférée pour que tu me reconnaisses et par la voix. Mais tout ça c'était zéro. Je vais souvent m'abandonnant, je peux me tuer. Ah. Sans toi, je ne peux pas vivre. Oh. Si tu m'abandonnes, je peux me tuer. Sans toi, je ne peux pas vivre. Si tu m'abandonnes, je peux me tuer. Mandelele mwana mama, mandelele mazinde, mandelele mwana mama, mandelele mazinde, mandelele mwana mama, mwana ba mouvement, mandelele mwana mama, obe bisalu kumwa famille te, mandelele mwana mama, mandelele mazinde, mandelele mwana mama, mandelele mazinde, mandelele mwana mama. pour le mal que nous faisons ici-bas. la vie c'est ça. On vient à promenade, quand il s'agit de rentrer, on doit le faire. Yeah. Oh la vie c'est ça. On vient à promenade, quand il s'agit de rentrer, on doit le faire. Don't go to the yard. Don't go to the yard. Don't go to the yard. C'est ça, mon frère. C'est ça, oui, c'est ça. Pour la femme et pour les gens, ne danse avec moi. Hein. Est-ce qu'on peut aller un peu, hein? Oui, on peut aller, mon frère, si tu veux bien. Vous pouvez, hein? Oui, on peut aller. Voilà. Hoje dia da festa, minha querida. Je na cobala, yo te vou yo. Je na cobala. Je na cobala, yo te mano yo. Je na cobala, yo te mano yo. Esco yo bosani, lo ta pase. Esco yo bosani, lo ta pase. Gaina sala canine, gaina sala canine, gaina sala canine. Hola, qui sta kinga imanda? Gaina sala canine. E portanto sala ki koyokana. Gaina sala canine. Ma peni ni na sala. Gaina sala canine. Je no belanda. Gaina sala canine. Por la pesa yo, rezo mamá. puta. Ata amanda kana puta. Ena sala kanini. Bona pesa yo. Ena sala kanini. Ma penini na sala yo. Ena sala kanini. Ma penini na sala yo. Ena sala kanini. Dawa. Nana sola canine. Nana sola canine. Nana sola canine.